Ce samedi 2 février, 20h, le multi-concessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite du MGR Express de Saguenay au complexe sportif du secteur Dolbeau. Prix d'entrée seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Soyez le 7e joueur. Multi-concessionnaire MGR Express, une présentation du restaurant Cocrotti des promenades du boulevard. Go, multi, go! On va parler d'armes à feu. On sait qu'actuellement, les Québécois avaient jusqu'au 29 janvier pour enregistrer leurs armes à feu. Sinon, il y avait des amendes et ainsi de suite pour les gens qui étaient réfractaires à cette nouvelle loi. On va parler avec notre chroniqueur de chasse parce que ça fait pas l'unanimité ici même en région. C'est Mathieu Roy. Bon matin, Mathieu. Bon matin, Gary. Mathieu, pourquoi qu'on a fait ça? Est-ce que c'est encore le lobby anti-armes de la Polytechnique qui a fait en sorte que les gens aujourd'hui, on est prêts avec une loi, que j'ai juste à penser ce qui s'est passé au fédéral, puis ça me donne des hauts de cœur. Effectivement, tout ça découle des événements de Polytechnique, des événements malheureux, on va le dire, malheureux, on ne fait pas ça à personne, sauf que tout ça découle des événements de Polytechnique, et la classe politique s'est servie de ça pour acheter des votes. Donc, mais on sait tous depuis le début que cette loi-là ne change rien et puis va faire en sorte que ça va coûter des millions aux Québécois. Et puis en bout de ligne, ça ne changera rien. Ouais. Si la personne mal intentionnée veut faire du tort, elle va faire du tort, que son arme soit enregistrée, peu importe. Puis n'oublions pas une chose, là. On reparle d'un événement de Polytechnique, mais les armes à feu, l'arme à feu qui est servie à Polytechnique est enregistrée. Ben oui. Un fou, c'est un fou. C'est pour ça qu'on dit, l'argent ne devrait pas servir. T'sais, ça vient déjà, là, le registre n'est même pas encore tout à l'heure. Il y a bien des gens qui sont réfractaires, qui n'ont pas signé, qui n'ont pas enregistré leurs armes, et ça a déjà coûté des millions. Donc, c'est pas vrai que c'est gratis. C'est gratuit. Là, présentement, le gouvernement doit enregistrer vos armes, ça ne coûte rien. Mais ça coûte de quoi? Ça coûte des millions à entretenir ce registre-là. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ça ne coûtera rien aux chasseurs, puis qu'en bout de ligne, on n'aura pas investi des millions et des dizaines de millions là-dedans dans quelque chose qui ne sert absolument à rien. Moi, depuis le début, je dis, on est déjà fichés. C'est-à-dire que au gouvernement, on sait déjà que quand on est chassé, on doit passer un permis pour être chasseur. Ouais. On doit passer un cours. Donc, il y a notre dossier dans une base de données à quelque part, comme quoi cette personne-là a passé ses cartes pour être chasseur. Ce qui veut dire que ça serait facile de donner cette information-là aux policiers, la rendre publique aux policiers, et de dire, eux autres, ils se défendent. Il y en a qui disent, ouais, mais les policiers, au moins, ils vont savoir quand ils arrivent à quelque part pour faire une intervention, cette personne-là a telle arme à feu. Ouais. Ça ne change rien. Il y a des gens qui en ont 10 armes à feu, il y a des gens qui en ont une, il y en a qui n'en ont pas. Pourquoi ils sont chasseurs? Moi, je dis, dans le système, il pourrait tout simplement savoir que la personne qui est là présentement, à cette adresse-là, c'est un chasseur. Ouais. Donc, tu fais comme si il y en avait. Ça règle la question. Ça ne changera absolument rien de ce registre-là. Comme on disait, un fou, c'est un fou. Là, tu sais, on pourrait reprendre toutes les histoires qui sont arrivées avec des lieux de fuite automobiles. Ouais. Je m'excuse, mais Guy Turcotte qui a tué ses enfants à coups de couteau. Là. Est-ce qu'on a un registre des couteaux maintenant? Non. Est-ce qu'on a un registre pour acheter des couteaux de cuisine? Parce que quand je vais dans un magasin pour acheter des couteaux de cuisine, là, est-ce qu'il faut acheter un papier et dire, ben, moi, j'ai acheté des couteaux de cuisine chez nous? Puis il existe aussi un marché noir sur le marché noir d'armes aussi, là. Ben oui. Penses-tu que les crimes organisés, là, c'est drôle, je voyais ce matin, je disais, à Montréal, ils sont en train de chercher un tueur à gage pour les groupes de moteurs. Puis penses-tu que ce gars-là a des armes à feu enregistrées? Non, pas du tout. Donc, c'est une grosse affaire, mais on dit depuis le début, c'est fait pour acheter des votes. C'est fait pour, justement, acheter le vote des armes sensibles. Mais malheureusement, l'autre chose, c'est que là, les chasseurs, aujourd'hui, là, ils traînaient, là. Ils sont revenus à partir de deux semaines, à peu près, là, parce qu'ils voyaient la date butoir arriver. Puis là, on se laisse assumer à dire non, non, non, on n'enregistre pas, on n'enregistre pas. Regarde, il y a eu une manifestation que prenait la Gatineau, okay, pendant le caucus de la CAQ, en fin de semaine passée. Il n'y était même pas 100 personnes. Ouais. Comment tu sens avoir un impact quand tu cries haut et fort, quand tu cries haut et fort que tu es contre quelque chose, mais que tu ne peux même pas te présenter pour manifester? Oui. Assume, tu sais, t'as pas subi, t'as pas assumé, mais subi. T'as décidé de pas te lever, tu vois, tu cries haut et fort sur les médias sociaux, mais tu t'es pas levé pour y aller avec les 100 autres personnes qui étaient là, ben subi. Mais là, il va arriver. Mais là, il va arriver quoi, là, à partir de maintenant, là? Ben écoute, là, les gars, les gens qui sont enregistrés peuvent avoir des tickets. Le gouvernement va se mettre à faire le tour. Il va avoir des mandats, puis tu vas t'enregistrer tes armes, puis les corps policiers vont demander des mandats. Okay. Puis ils vont pouvoir aller frapper à ta porte, puis on veut vérifier. On veut vérifier si vous êtes en loi, OK? Et ça va prendre des mandats. Ça va être une grosse action aussi, ça va coûter cher. Ouais. L'argent qui va se dépenser, ça va être épouvantable. Ouais, c'est clair. La seule manière que les chasseurs pourraient avoir gain de cause, c'est si tu coupes les vives au gouvernement. Sauf que les chasseurs, étant ce qu'ils sont, ils sont pas capables de dire « Ah oh non, moi, cette année, je chasserai pas. Non, moi, cette année, je chasserai. » Il y en a qui vont dire « Tu sais, on ne peut pas dans ma cour. » Donc, normalement, tu devrais dire « Cette année, on ne chasse pas. On ne va pas dans aucune réserve. On n'achète aucun permis de chasse. » Si tu n'achètes pas de permis de chasse, là, c'est des dizaines et des dizaines de millions par année qui ne rentrent pas dans le coffre du gouvernement. Penses-tu que ça va justement freiner l'activité de la chasse? Tu sais qu'au sein de l'Action, on est très friand. Ça, c'est une religion. Penses-tu que les armes, c'est cette nouvelle loi-là qui rentre en vigueur le 29 janvier, va faire en sorte que la chasse, ça pourrait nuire à l'activité de la chasse? Ben, c'est sûr que ça peut nuire à l'activité de la chasse. C'est sûr que ça peut venir, ça va venir à l'activité de la chasse. T'as des quelques chasseurs irréductibles que les autres, la chasse c'est la chasse, puis ça va toujours rester dans leur ADN. Mais t'en veux, ils vont dire, écoute, c'est rendu tellement, je m'excuse d'utiliser le terme, mais la merde, c'est rendu tellement compliqué, puis tellement contraignant, puis moi, j'arrête. Puis je suis le premier exemple de ça. Moi, j'ai dit, c'est pas vrai. Je suis tellement contre, là, que moi, j'ai dit, c'est pas vrai. Que je vais me plier à ça, j'ai vendu mes armes. Je n'ai plus aucune arme dans mon nom. OK. Moi, j'ai tout vendu mes armes. Puis, je suis encore un chasseur. Mais demain matin, si je veux chasser, je vais aller chasser en Ontario, je vais aller chasser aux États-Unis, puis je vais louer une arme directement sur place, là-bas, chez le pourvoyeur chez qui je vais aller. OK. Point final. Je ne donnerai plus aucun argent au gouvernement du Québec pour la chasse. Mathieu, je me fais l'avocat du diable. Si je suis un amateur de chasse, là, puis vous me dites que ça coûte rien, là, je sais que ça va coûter de quoi, parce que juste avoir le fédéral, c'est un des scandales d'ailleurs que les journalistes, il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense au début, je me rappelle plus du montant que ça devait coûter, puis ça a été une fortune. Ça supposé coûter 20-25 millions. 20-25 millions, ça a été 1 milliard. Mais je me fais l'avocat du diable. Si je suis un chasseur, j'ai pas de problème avec ça, non? Si j'aime ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Le principe, c'est le principe. Okay. C'est encore tout le temps. C'est nous autres qui est le méchant là-dedans. C'est le chasseur propriétaire. Il y a une grosse question de jugement là-dedans. Quand on renouvelle nos permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, là, c'est qu'on n'est pas un homme. On est un homme. On a une ligne là, dans le questionnaire. Êtes-vous récemment séparés? OK, je comprends. Il y a une grosse question de jugement. Et on est jugé potentiellement dangereux parce qu'on est propriétaire dans la foule. C'est ça qui est frustrant aussi. Puis il y a eu beaucoup de. Il y a eu des commentaires assez hystériques. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre ça à RDI, entre autres, des gens qui nous disaient qu'on était des machos, puis ainsi de suite, mais. Il y a beaucoup de femmes qui aiment la chasse aussi, là. Il y a de plus en plus de femmes qui aiment la chasse. Ouais. Excuse-moi, il y a de plus en plus de femmes qui organisent des voyages de chasse entre femmes. Et donc ça, C'est pas vrai que c'est plus vrai que c'est juste rendu un sport de d'hommes. Mm. Okay, oui, c'est encore une majorité d'hommes, mais c'est plus juste un sport d'hommes. Okay? Mais c'est sûr, il y a des gens qui ne comprennent pas, puis qui ne voudront jamais comprendre, puis qui vont sortir plein d'arguments bidons qui ne servent absolument pas, mais qui vont utiliser ça. Et malheureusement, les médias vont prendre leur bord. C'est tout le temps le problème. Mm. On passe, puis encore là, comme dans tous les domaines, on a des... T'as pas personne, tu sais, t'as des gens de l'industrie de la chasse et de la pêche qui peuvent bien dire qu'ils sont contre. Ouais. Mais d'un autre côté, s'ils se battent trop contre le gouvernement là-dessus, ils vont perdre leur argent, ils vont perdre leur subvention, ils vont perdre leur commandite, ils vont perdre la pub qu'ils mettent dans que le gouvernement met dans leur émission de télévision ou dans leur. C'est souvent ça, entre autres, hein? Oui, ça qu'ils veulent pas se trop signer, ils vont dire qu'ils sont contre, que ça n'a aucun bon sens, etc. Et en bien, ils vont les enregistrer, leurs armes. Ils ne veulent pas être illégales. Ils diront pas aux gens, aux restaurants, enregistrez pas vos armes. Ouais. Fait que, moi, c'est plat. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans le domaine. J'ai des amis qui sont des représentants pour des compagnies d'armes à feu. Je les ai dit, c'est clair. Puis moi, j'ai vendu toutes mes armes. Ah, mais là, Mathieu, moi, je veux que tout le monde vende ses armes au Québec, puis qu'on n'a plus de chance. Moi, je perds ma job, je perds mes affaires. Moi, regarde, c'est la seule manière de se faire mal au gouvernement, c'est de leur couper les vivres. Ouais, okay. Arrêtons de donner de l'argent pour les permis, arrêtons de donner de l'argent aux réserves phoniques. Ouais, et malheureusement, t'as plein de chasseurs qui vont crier haut et fort, qui sont contre, okay. Et enlèvent pas leur semaine de chasse. Eux autres, ils se priveront pas une année pour ça. Tu comprends? Ouais. Ils vont demander à tout le monde d'aller se battre pour eux autres, mais eux autres, ils ne couperont pas leur semaine de chasse. Ton père, il en dit quoi, lui? Parce que Claude, c'est un amateur de chasse, il en dit quoi, lui? J'imagine que, comme je le connais, qu'il est un gars de droite quand même, c'est un gars qui de droite économique, j'imagine qu'il est contre ça totalement. Il est contre ça, écoute, il était contre ça en 2008 quand il était au gouvernement. Ouais. Quand il était au gouvernement, il s'était battu contre la loi Anastasia, puis il avait réussi à faire amener des modifications là-dedans, parce que la loi était... complètement hallucinante, là. Mm. Fait qu'il s'est toujours battu contre ça. Mais nous autres, la seule manière qu'on a trouvée pour faire mal au gouvernement, nous autres, on chasse plus au Québec. Okay. Moi, je me tiens, moi, je chasse plus au Québec. Fait que j'ai vendu mes armes à feu. Fait que j'ai pas besoin de les enregistrer. J'ai encore mon centre de possession de destruction. Si je vais chasser, je vais aller chasser aux États-Unis, je vais aller chasser en Ontario. Et là-bas, je louerai un arbre. Ouais. C'est le pourvoyeur chez qui je vais aller. OK. Ben, Mathieu, ça fait pas. Ça fait le tour pas mal de cette nouvelle loi qui est rentrée en vigueur jusqu'au 29 janvier. C'est quoi l'amende si des chasseurs sont. Ça peut aller de 500 à 7000 $ puis éventuellement. Ouais, dépendant de la grosseur des armes aussi, j'imagine. Effectivement. Fait que, écoute, on va voir, on n'a pas d'histoire encore, mais on va voir au cours des prochaines semaines comment ça va se solder tout ça. OK. Ben, Mathieu. On va s'en reparler durant le temps de la chasse. Super. Notre chroniqueur Mathieu Roy.